enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Oh yeah. Vas-y, mon Michel, vas-y. Chaud, chaud, chaud, chaud, chaud. À 18 ans, je quitte ma province, bien décidé à empoigner la vie. Empoigne, empoigne. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire un complet bleu qui était du dernier cri. Arrête de crier, Kitan. Les photos, pour les chansons et les orchestrations ont eu raison. Ouais. De mes économies, pom, pom, pom. Je voyais déjà, on voit déjà en haut de l'affiche. Oh, que c'est beau! En 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom c'est à l'air. Ah, l'écho, l'écho. Je voyais déjà, oh. As-tu des riches? Sillant des photos aux admirateurs qui se bousculaient. Bon, j'étais le plus grand des grands fantaisistes. Faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Oh là là! Je voyais déjà. Cherchant dans ma liste, celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli, bien sûr, sous mon maquillage. Oh, mais la voix est là, le geste est précis, j'ai du ressort. Boing. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. Mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds. De sentir la scène, les planches, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur. Attends, ça va. On m'a pas aidé, oh non, je n'ai pas du peine. Mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte. 30 ans? Et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte. Pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meubles et le maigre repas. Je voyais déjà en photographie. Au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Oh, le soleil. Je voyais déjà, racontant ma vie, oh, ma vie. L'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première. Oh, oui, oui, oui. Mille télégrammes de ce tout Paris qui nous fait si peur. Paris. Et mourant de trac, devant ce parterre. Entrer sur la scène sous les ovations, les projecteurs. Oh. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. Ah ouais, aussi. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. La fantaisie, c'est vous. Si tout a raté, moi, ça a raté, mec. Si je suis dans l'ombre, ah, pour votre vie. Ce n'est pas ma faute, mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. Ah non, vous non plus. D'autres ont réussi avec ah ben peu oui. de voix et beaucoup d'argent. On les nommera pas. Moi, j'étais trompé. Ou trop en avance. Mais un jour viendra, ah, je leur oui. montrerai que j'ai ah, du oui. talent. C'est ce soir que ça se passe. Hey! C'est ce soir. Hey, Plume, c'est ce soir que ça va se passer. Je te le garantis. Arrête l'applaudissement. On y est prêt. On se bombe le torse. On se lève le boyau. On se prépare à chanter le cri du coq. Au, au, au, au. Ouais. Je voyais des gens. En haut de la piste. Et puis il disait quoi? Oui, c'est le soleil, hein? Emmène-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Emmène-moi au bout de la terre. Emmène-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère sera moins pénible au soleil. Oh! Et nous sommes en direct. Oh! Bonjour, mes amis! Touloutoutou! Chapeau poitou! Hey, je me suis ennuyé, moi. C'est rendu que je viens d'accrocher, là. Pas ma quoi? Accrocher quoi, ma vie? Non, j'ai accroché un tournant de mon existence, là, où je m'ennuie. Je m'ennuie de mon public. Je reste écrasé, là, du vendredi 2h du matin jusqu'au jeudi 23h56-57, là, je me déplie, prépare mes petites feuilles, là, qui sont déjà scellées dans une enveloppe. Je vous dis, ça n'a jamais été lu, ça ramait. Quand j'ouvre ça, c'est vierge. Vierge, il n'y a pas un mot écrit dessus, les feuilles sont vierges. Je dis vierge, qu'est-ce qu'on va faire? On va improviser comme d'habitude? Pardonnez-moi, je ne sais pas ce que je fais. Dans le monde, mon ami, il y a trois grands... Et puis toi, ça va bien? Bon. Ben voyons donc, tu viens de percer ta dent? 42 ans? Hey! Ah, tu viens de te la faire arracher. Ouais. T'as pas fait le... Moi, je soumets. Vous faites ce que vous voulez, là. Tu fais ce que tu veux, toi, mon ami, là. Mais je te soumets une idée. Gratos. Pas de dentiste. La dent qui te fait mal. Ben une corde. Poignée de porte. Appelle ta concubine. Appelle ton amante. Appelle ton ex. Et ton ex, elle va te... Elle va ouvrir la porte. Mon... Tu vas être... Mon choix va te rester là. Oh! À un moment donné, tu vas manger en purée jusqu'à la fin de tes jours. Oh! Dans le monde, il y a trois grands mouvements religieux. Le bouddhisme, le christianisme et les adorateurs de Mireille Mathieu. Réal Bossé, son amoureuse danseuse et moi. Eh oui, c'était... Malheureusement... Malheureusement, je ne sais pas ce que je fais comme d'habitude. Cette histoire-là est vraie. Quelques semaines, travail, trop dur, voler pas beau, demander de la charité, quelque chose que je ne peux pas faire. Bon, je suis au boulot, pleine nuit, arrive dans mon établissement un comédien très reconnu, M. Brossé. Mais M. Brossé, il n'était pas bien brossé. Il était propre de sa personne. Il avait l'œil tout à fait vif, et mais c'est sa concubine, c'est sa copine, c'est son amoureuse qui est extraordinaire. Que je connaissais parce que moi, je vais souvent voir des spectacles de création contemporaine. Mon invité aussi, elle adore ça, le côté contemporain de la création. Donc, le lien, c'est ça. Et donc, je le vois arriver, lui, grand bonhomme, pensez, j'ai été surpris. Ah oui, assez grand bonhomme, 6 pieds 2, 6 pieds 3, et puis... mais moi, je l'ai reconnu à sa voix, non pas parce que j'étais en train de faire autre chose. Et là, je vais arriver à sa copine, charmante, vraiment, enveloppante, pas enveloppante en voulant dire qu'elle était grassette, là, mais son aura m'enveloppait. J'ai dit, oh là là là là là là là, il y a quelque chose là là là. Mais je la connaissais pas vraiment comme danseuse. Je l'ai su par la suite en faisant ma recherche. Et puis donc, c'est ça, c'est juste ça, mais je veux pas aller plus loin, je veux pas me faire actionner. Musique! Ah non, ça c'est mes projets musicaux. Sinon, tout va bien? Bon, merde. Feu rouge, la police et moi. Ah ben là, c'est du véhicule, puis on va se mettre dans le trouble. Je roule en scooter, toujours le scooter. L'histoire du scooter, on lâche pas ça, hein, c'est un bon sujet. Je roule sur la route, pas sur le trottoir. Les vélos, pas de trottoir. Tout ce qui est à deux roues doit se trouver dans la rue. Bon. Quand je vois les imbéciles qui vont sens unique, hein, dans l'autre direction, pas sens unique, l'autre direction vers moi, moi je suis le trajet normatif. Et lui, à contre-courant, puis là, il arrive, il zigzague, il sait pas si je vais foncer dedans. Oui, je fonce dedans. C'est de mes droits, là. Puis là, on dirait, hey, mais il m'a blessé. Ben oui, il m'a blessé. C'est pas là que t'allais, c'est de l'autre côté, l'imbécile. Est-ce pour toi, t'es en vélo, toi, mon incompétent? Il y a des sens là-dedans, là. C'est comme, si tu t'ajoutes une montre, là, vas-tu souhaiter que ça suive la rotation normative de l'horloge contemporaine et depuis la nuit des temps? Tu te sentirais mal à l'aise quand tu regardes là, puis la trottinette te trottine autrement? Fait que toi, mon cabochon, suis la trajectoire. Là. Quand c'est pour être à droite, place-toi à droite, sinon on va à gauche dans l'autre pour descendre ou monter. Bon, c'est comme le fleuve, là. quand tu vas à la pêche, à la truite, mon espèce de brochet. Là, tu dis, hein? Comment ça, le courant va dans l'autre côté? Ben oui, allô? Y a-t-il quelqu'un? Hey, t'as pas le droit de voter, j'espère, rassure-moi. Hey, bon, alors, il y a le feu rouge, la police, puis moi. Fait que moi, là, je circule comme un bon citoyen moyen. Avec l'espoir de... non, je leur dirai pas, mais l'espoir. Je vis d'espoir. Toute ma vie, là, quand je vais mourir, j'ai une espérance qu'il ne s'est rien passé, mais j'ai au moins eu l'espoir que ça change. Il n'y a rien de changé. Les criminels vont rester criminels, vont être cravatés, crottés, insignifiants, éduqués, malsains, très intellectuels. Le crotté n'a pas de visage. Ah, c'est ça, je me rends compte que j'ai fait une bataille pour rien. Mais enfin, bref, peu importe. Alors, je suis quelqu'un, je suis Rénal Gagné, votre chose, là, votre objet. Je roule en scooter. C'est la nuit, le soir, 21h15. Je suis sur la 3e avenue à Limoilou. Je passe le pont. Alors, après la 3e avenue, c'est la rue du pont. J'emprunte la rue du pont. Tout va bien. Je tourne à gauche. Où l'ancien cinéma Odéon. Tourne à gauche. Toujours très bien. Il y a les échangeurs. La lumière est rouge, j'arrête. La lumière devient verte, je pars. On prend toujours un train pour quelques pas. Mais là, je pars en scooter. Et quelques, peut-être 15 pieds plus loin, il y a une autre lumière insignifiante, puisqu'il n'y a rien qui peut arriver de mon côté, là. Hein? Il n'y a rien, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Fait que la lumière est rouge, hey. Pour une première fois, là, je me sentais un peu criminel. Bon, passez-tu, ça? Personne ne va passer par là, à part peut-être des soucoupes volantes. Mais les soucoupes volantes, on a passé les moelleux. Non, ça, c'est coupable. En tout cas, c'est une autre histoire, ça aussi. Fait que là, moi, je passe par là. À un moment donné, je vois des gyrophares. Oh non, j'ai passé ça. Fait que là, j'arrête mon scooter. Je dis, hey, on fera pas de poursuite à la Paul Newman. Ça va à 33 km/h, cette petite affaire-là. C'est électrique. À un moment donné, après 2 heures, ça va s'arrêter tout seul. Puis là, ils vont me mettre les menottes, m'en embarquer en dedans. Puis je pourrais pas faire mon émission Errance Rénaldienne. Tania Beaumont sera obligée de donner la caution. Là, ben, on va me dire, mais hey, j'ai pas ce montant-là, là. Ben oui, mais prends ça sur le montant, sur le coffre-fort assez correct. Demande à notre producteur, à notre grand maître, à notre grand manitou, M. Fortin. S'il vous plaît. Mon émission. Là, ben, mon Dieu. Hey, toi, tu me prends par les sentiments. Dania, arrête donc, là, parce que je dois à un téléphone. Là, je m'imaginais ça, là. Là, il y a. Je me voyais. Dire ça à Tania, puis Tania dire à M. Fortin, écoute, on a l'animateur du soir, là, le jeudi, le gars bizarre, là, en prison. Pis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé un feu rouge, mais et on doit donner 15$. 15$? On donne pas ça pour lui! S'il vous plaît, là, je l'entendais parler, je dis mets main libre! Ça veut dire, mais place le truc sur le main libre pour qu'il puisse m'entendre. Hé, hey, M. Fortin, Nani, c'est ton camarade! C'est ton camarade! S'il vous plaît! Fait que là, je me réveille de ma rêverie. Et là, je vois-tu pas la police arriver? Et vous saviez que vous étiez serre rouge, j'avais roulé serre rouge? Ben oui, mais il y a personne qui peut t'avoir. Hey, attends. Moi, j'étais là, j'ai passé, là. Je te le dis, j'ai passé un cheveu de te frapper. Mais voyons donc. Quand j'ai regardé, il n'y avait rien, il n'y avait personne. Ah, on était là, on s'en allait, direction Limoilou. On a eu un appel, là. Extraterrestre, là. Il y avait de la soucoupe dans ce coin-là, comme d'habitude. Fait que là, nous autres, hein, on regardait pas, on mangeait notre beigne. Puis là, j'avais du cramage dans les yeux, tu sais, ça burgeait, c'était fourré au chocolat. Je me suis fait avoir, je voulais ça à vanille, puis c'était au chocolat, mais je continuais à manger mon chocolat. J'étais sur le gros nez, c'était noisette, là. Tu sais, comme le Nella. Il y en a là aussi, là. Il y en a partout sur mon visage. Mais là, il y en avait un peu dans mes yeux. Puis là, je t'ai vu passer, mon citoyen. T'as pas le droit, là. As-tu des papiers? As-tu quelque chose? Ben oui, j'ai ma carte de CKRL. C'est quoi, ça, CKRL? Monsieur, CKRL, première radio associative francophone au monde, qui est née à Québec. En 1964. Hey, arrête. Non, mais je travaille. Oui, qu'est-ce que tu fais? Une émission. Laquelle? Laquelle? Non, je veux pas la dire. Je risque de faire plus de prison. Non, une petite émission de rien, là. Je passe des records de Michel Rivard, puis je fais semblant que c'est intéressant, là, tu sais. Je sais que tout est fini là-dessus, là. Non, pas la platine, mais les albums. Mais je veux pas me mettre dans le trou, madame. Ouais. Et puis, donc, ben là, je sors mes papiers. Hey, ma carte d'assurance maladie. Pour les gens qui connaissent pas l'histoire de ma carte d'assurance maladie, là, regardez les anciennes émissions. Lorsque j'ai pris la photo, j'étais boursouflé. J'étais pris d'allergies épouvantables. En tout cas, je ressemblais à Éric Lapointe après une belle soirée. Il regarde la photo. Il s'en va dans la voiture, rire avec son camarade. Hey, comment il me les parle? Tu vis la photo, oui? Il est pris 10 ans avec ça. Fait que là, je dis, non, je vais me faire avoir. Puis là, non, pas en retard, mais je me préparais à être en retard. Je vais appeler mes camarades de travail. Puis là, je vois-tu pas la voiture de police passer à côté de moi? La vitre se baisse. Une main se tend. Oh, la main de Dieu, la main. Non, c'est la police. C'est la police. Là, on te redonne ta carte. Là, on te laisse une chance. Là. Mais attends. Là, il me pointe ses deux doigts. Il les place devant ses yeux. Puis hey, on te surveille. Puis là, avec ses deux doigts-là, là, qu'il plaçait devant ses yeux, il me place vis-à-vis des miens. On te surveille. Avec des va-et-vient. Là. Puis là, j'étais dans la chanson. Là. Je vais et je viens dans ton regard. Et on te surveille. Il me surveille. Depuis ce temps-là, là, je me dis, le GPS, j'ai tout barré mes cellulaires, GPS, là, ici, là, je suis dans une caverne. J'ai fait couler du béton armé, là, puis armé avec des mitraillettes 47, 12, 27, 53, complémentaires 28. Puis, hey, les amorces, de ça, vous connaissez pas ça, vous êtes pas dans le milieu de la guerre, là, mais les amorces, là, ce qui va faire exploser les policiers, si, exploser, pas vraiment, c'est des pétards à mèche. Ça fait pouf, pouf, pouf, ça fait des éclairs. Comme le 24 juin, ben, janvier, ça c'est dans ma tête, mais le 24 juin, oh, un événement extraordinaire. Fait que je me suis fait arrêter par la police. Feu rouge, la police, c'est moi. Ah oui, mais j'en parle pas de ça, mes antécédents. Ben oui, bon, un petit peu, hein? À peine. Mais c'est parce que il y a longtemps, à l'âge de 20 ans, j'avais beaucoup de minous. Gros minous. Et ces minous-là ont eu des minounes, des petites minounes, des belles minounes, des minounes. Et puis un peu nounoun, ça venait de venir au monde, puis c'est des rats, cette affaire-là. Non, c'était 4 minounes. 4 femelles minounes, mais du poil tout dégluant. Ah, c'est ça. Là, j'ai léché. Là, les chats, lèche-moi tranquille. Fais voir. Et puis, j'ai déjà dit celle-là à d'autres émissions, je sais. Ouais, écoutez. Et puis, donc, ils ont grandi, ces minous-là. Mais là, à 2 mois, j'allais les offrir à d'autres personnes. Mais il fallait que j'attende le sevrage. On appelle ça comme ça dans le milieu animalier. Animalier, les animaux animaliers. Bon, des félins. C'est pour ça que je sais très bien faire le choix. Oui, monsieur. Et donc, j'en avais 4 petites chattes qui allaient devenir des adultes. Donc, tu dois attendre 2 mois. Et pendant ce temps-là, il faisait des trucs. Ça se tirait des bains. Puis, en tout cas, c'était un peu fou comme moi. Même moi, j'étais plus fou qu'eux. Mais l'histoire, c'est que ces petits chats-là avaient tendance à grignoter n'importe quoi. Puis moi, j'avais fait un fil de téléphone. Puis je m'étais fait une nouvelle copine, mais elle me connaissait plus ou moins. Puis elle dit, t'es bizarre. Mais là, merci, j'aime bien ça. Là. T'es bien bizarre. Là, oh, t'es très, très bizarre. Oh, t'as-tu été en dosage psychiatrique? Oh, arrête! Ça m'excite. Et donc, ces petits minous-là, je raccroche. Ces petits minous-là avaient rongé le fil. Moi, je m'étais endormi. Avec ma petite bière, tranquille, sa fin de semaine, non, ben tranquille. Bon. Puis là, à un moment donné, ça frappe à la porte. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, pas un petit frappage, cang, cang, cang. Hein? Je dis, oui, à travers la... C'est la police. Moi, j'ouvre la porte. Ça va bien, M. Gagné? Oui, comment ça, vous savez mon nom? Ben, c'est parce que votre copine nous a appelé. Elle n'est plus capable de vous rejoindre. Je dis, oh, j'ai des petits chatons. Là, les chatons sortent dans le corridor. Je dis, oh, ils ont mangé le fil. Ben, le fil téléphonique, j'ai des petits chatons. Ben, mes deux grosses chattes. Ben oui, deux chattes peuvent avoir. Connaissez-vous ça, vous, le système animalier? C'est deux chattes comme les chats, là. Mais il y en a une qui est tombée en bas, puis je l'ai retrouvée après, puis elle est enceinte. Bon, c'est pas les deux chattes qui ont copulé, ouais, voyons donc. Essayez de copuler deux sexes ensemble, là. Vous autres, essayez de copuler. Essayez, on va filmer. Hé, hey, Raymond, filme-moi ça, on va mettre ça dans. Non, c'est une blague. Police, tranquille, c'est une blague. Et donc, me mettre dans le trouble. Donc, on arrive. Il vérifie, effectivement. Je suis pas menteur, là. Puis, je venais de me lever. Fait que je présumais tout ça, là. C'était de l'improvisation avant même errance rénaldienne, là. J'étais bien fort sur l'improvisation. Vérifie, c'est vrai, M. Gagné. Mais appelez votre copine. Mais comment tu veux que je les appelle? Le cellulaire n'existait pas à l'époque, là. Comment tu veux que j'appelle cette jeune fille, là? Il y a des boîtes téléphoniques dehors. Mais avez-vous des CB? Ben oui, mais on n'a pas de téléphone sur le CB. Vous pouvez pas m'amener au poste. Hey, c'est la première fois qu'il y a un imbécile qui veut qu'on l'amène au poste. Normalement, ils sont à quatre pattes, puis sont-ils habillés? Non, excuse-moi. À quatre pattes et veulent pas qu'on les amène au poste de police. Ah, ben oui, OK. Fait que là, moi, bon, on serre la main, mais... Tu sais, comment c'est une police qui rentre dans un appartement, ça regarde partout, là. Ils ont bien vu, ils ont vu, là, que le fil est arraché, mais même rongé. Il avait comme des petits filaments qui perdent. Essayez ce soir-là, sur le fil. C'est vrai que personne n'a un téléphone fixe. On appelle ça un téléphone fixe. On n'est plus fixé aujourd'hui. Oh, je sais pas, là. À soir, oh, c'est bon, on n'est plus fixé. Ah! Oh. On verra ça demain. Non, c'est là, là. Oh, non. Bon, à une certaine époque, il fallait le savoir. On était dans la... Et, qu'est-ce que je disais, là? On a fixé... Ah oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, la police, regarde toujours autour. Là, à un moment donné, il voit une plante avec une lumière dessus. Bon, c'est une plante de persil. J'aime ça, le persil, moi, hein. Je dis, ben, oui, c'est du persil de la marijuana. Ben, voyons donc, toi, mon imbécile, dis pas ça de même, là. C'est du persil. Pour mettre dans le spaghetti, j'aime ça, le spaghetti. Je mange au moins du spaghetti 5 fois par semaine. Marijuana, je suis pas illicite, moi, là. Je suis tout à fait légal. Je suis membre de CKRL. Wow, toi, là. J'ai mon obénite dans le frigo. Si tu veux m'en t'attirer, tu vas brûler, moi. Et puis, donc, la police regarde ça. Elle dit, c'est quoi ça? Ben, j'ai dit, c'est une plante. Quelle sorte de plante? C'est du persil. Du persil en dessous d'une lumière. Ben oui, parce que c'est un petit bébé persil. Hein? Un petit bébé persil, ben, ça a besoin de lumière. Comme un petit bébé a besoin de sa maman. Mais la maman de la petite plante de persil, c'est la lumière. De la lumière, de l'eau et beaucoup d'amour. Ah, mais là, un policier s'est mis à pleurer. Bon, hey, toi, c'est un bon gars, mais là. Je dis, excusez-moi, vous avez un peu de costarde au bout de la. Bon, et puis là, on a raconté notre vie. Mais c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Un peu manigancé. Pendant que son mari se meurt, la chanteuse s'époumonne et l'argent rayonne. Superficialité. Hein? Superficialité lorsque tu nous tiens. Je tourne des pages, là, puis ça colle. Ça doit être le persil. Il y a tellement de personnes qui jugent sans avoir de formation juridique. Ça, c'est des pensées qui m'arrivent de même. Pouf! Je regarde mon plan de persil. Pouf! À ma place, déplacerais-tu les montagnes et le nord? Perderais-tu ce dernier juste pour moi? Ma magnificence, ma bombe puissance X, ma sexy. Je viens de me rendre compte que j'ai dit deux fois puissance. Alors, je suis puni. Puni, honey, I went to see the demon, honey, honey, I have a secret, honey, money, say, and to blame, who's to blame? Mommy, I want to see the demon, wide the world is the way to blame, is to blame. Mommy, mommy, mommy, mommy, I wait, I really want the world be, want be. I want to be loved by or die, and to blame, to blame, to blame, to blame. Là, en disant ça, j'essaye de lire. Qu'est-ce que j'écris? Justice. Pas besoin de. Ah, oh, oui, oui, oui. Encore la police. Mon Dieu, excusez-moi. Police, pas besoin de voir pour savoir ce qui s'est passé. Il l'abattait, cette fille de joie. Police, pas besoin de voir pour savoir ce qui s'est passé. On recommence. Police, pas besoin de voir pour savoir ce qui s'est passé. Il l'abattait, cette fille de joie, l'a quittée. Puis, elle reviendra car il lui faudra sa dose de cristal meth. Mais pour cette nuit, elle embarqua avec un mec, le premier, qui voudra bien lui offrir son lit. Et elle, en échange, lui donnera son corps. Cette histoire est vraie. Ça s'est passé il y a quelques semaines, sous mes yeux. Y a-t-il une fondation ou un droit de la croustille? C'est épouvantable! C'est épouvantable ce qu'on fait subir à ces aliments des plus calorifiques et maltraités de la planète. Il y a aussi, me direz-vous, l'œuf poché. Effectivement, mais il n'est pas calorifique, lui, l'œuf poché. Il en sort-tu des sortes de croustilles, puis en plus, ça devient un sujet de discussion. C'est pour ça que je me tiens plus en groupe. Je suis désespéré. Je me dis, mes congénères manquent de sujets. Ne pourrait-on pas parler du nouvel album de Daniel Boucher qui était et que j'écoute depuis à peu près 3 mois et demi et que je trouve exceptionnel et que je ne vous ai pas trop gavé avec. Mais je me retiens et c'est très difficile pour moi. Et je vous remercie encore et sincèrement d'écouter Errance Rénaldienne à cette heure si tardive. Et merci aussi à l'émission qui m'a suivi de peser sa bonne pitoune. C'est bon, c'est bon! Ils ont une formation, bravo! Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété. Non, non, mais hey! Bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Rénald Le Néant. Gagné, attention. Attention. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Puis fermez vos ordi, vos portables, vos cellulaires. On nous surveille. Aujourd'hui, le vendredi 9 octobre. Non. Oui. 9 octobre. Déjà 9 octobre. Est-ce possible? Est-ce possible, madame? Ben là, je vais regarder mon horaire. Mais si je suis... J'ai eu une manicure, moi, la semaine dernière avec M. Brisebois. Oui, c'est le 9 octobre 2015. Ah oui. Regardez mon angle droit. Pas mon angle droit, mon ongle droit. Ongle, voyons donc, je parle du nez, mais il me semble que mon français est pas mal bien cousu. Non, tricoté, OK. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille. Enfin, c'est pas compliqué, le tricot, là. Papa, t'as ta papineau. Des amis mignons. Oui, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. OK, aujourd'hui, le vendredi 9, non, oui, arrête donc.

Marido, oui. Est-ce qu'on dit Marido? On dit Marido, oui, ça va bien. Je savais que c'était toi, mais toi, tu savais pas que c'était moi. Non, voilà, c'est ça. Un petit quartier ici? Hein? Aimes-tu le quartier? Oui, j'aime bien, ouais. Parce que tu viens souvent ici? Non, pas si souvent. Je suis plutôt dans le sud de Paris. Ok, ah! Oh. Paris, on bouge, hein? Ah ben, heureusement qu'on bouge. Paris, enfin, on se rend compte, il y a déjà 4 ans que je voulais te voir. Mais ça donnait pas, t'avais des projets, on n'était pas... Nos horaires ne se coïncidaient pas, donc... mais nous voilà maintenant. Oui. Et ça, c'est bien, parce que t'es une comédienne militante. Oui. Volontairement militante. Ah oui, volontairement, ouais. Pourquoi? Après, volontairement, pour moi, c'est le sens de mon métier, si tu veux. Mm-hmm. Faut que je puisse me raconter que je vais... changer le monde? Un peu, oui, voilà. Donc ça fait partie de... C'est ce qu'il y a en toile de fond, tu vois. Même si les actes ne sont pas tous qualifiés de militants par les militants, par exemple. OK. Mais tu fais beaucoup d'actions théâtrales pour une idéologie de gauche. Madame, bonjour. Bonjour, je prends un petit café, verre d'eau aussi, s'il vous plaît. Je suis pas sûr que je sois forcément tout le temps relié à la gauche, comme elle se raconte en ce moment en France, par exemple. Ok, c'est étrange parce que je parlais de ma gauche au Québec, donc la liberté, surtout la libre liberté de la réflexion, savoir avoir aussi une ouverture, une connaissance pour pouvoir mieux juger après, parce que c'est plus facile de juger, mais plus complexe d'essayer de comprendre. Oui, tout à fait. Mais moi, si tu veux, je continue de croire qu'on a besoin des mots. Donc, par exemple, ça, aujourd'hui, c'est pas tout le temps bien vu de dire un point de vue, de pas être dans quelque chose qui est, toi, dans l'air du temps, dans une ambiance que tout le monde voudrait, comme si on était bien ensemble, tu vois. Parfois, ça, je trouve que ici, tu vois, j'ai l'impression qu'on est bouffé par le fait de pas pouvoir préciser ce qu'on pense vraiment. Voilà. Et le consensus aussi. Oui, voilà, exactement. Et si tu veux, ça c'est, je pense qu'il n'y a que le théâtre ou une parole poétique, si tu veux, qui peut faire un peu une déflagration, comme ça, dans le champ général, pour redonner un petit peu de sens. Voilà. Avant de nous amener ici, on va visiter ton enfance, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça. Mais avant, lorsque je t'ai vu pour la première fois, grâce à Internet, grâce à des amis que nous avons en commun, j'avais beaucoup de flashs de Colette Magny. Ah oui, ah, c'est possible, oui. Oui, c'est une grande dame. Oh oui, et je me disais que vous aviez les mêmes sujets, les mêmes volontés de vouloir une modification de certaines idéologies qui stagnent, qui ne veulent pas être modifiées. Oui, je pense, mais si tu veux, c'est aussi une femme, les femmes, l'expression qui est... Il y a beaucoup de choses chez la femme qui passent par une forme de révolte pour arriver à dire, tu vois. Donc je crois que dans cette lignée-là, oui, il faut à un moment un coup de gueule pour réveiller la possible parole des femmes. Et la conscience aussi des hommes vis-à-vis la vie des femmes, la hiérarchie féminine. Y en a-t-il à travail égal, salaire. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce qu'on est rendu là? Pas du tout. Pas du tout. Il y a un mouvement, tu sais, qui s'appelle HF. Oui. En France, parité homme-femme dans la culture, voilà. Oui. Moi, j'étais un peu à la naissance de ce mouvement. Merci. Et puis, j'ai quand même commencé à défricher un peu ces idées-là, toi, à chercher les chiffres. Et donc, pour moi, c'est, par exemple, c'est une piste, mais ça, c'est du militantisme de basique. Après, je m'ennuie vite. Moi, dans le militantisme de base. Toi, il faut que ce soit activé à travers un art théâtral. Mais oui, parce que si tu veux, sans ça, j'ai l'impression qu'on répète toujours la même chose. Oui, on voit nulle part. Et quand ça bute, eh bien, ça bute. Oui. Et moi, je veux... Et quand ça bute, ça rebute. Et comment, toi, tu es venu à faire du théâtre? Est-ce que dans ton enfance, ta mère, ton père avaient cette conviction-là artistique? Non, pas du tout. À part mon grand-père... Ah. Il y a deux choses qui, je pense, ont fait que j'ai pu faire ce métier. C'est mon grand-père qui était pianiste et chef d'orchestre et qui a dû comprendre quelque chose de chez moi, petite fille, et me jouait beaucoup de musique, m'a initié un peu au piano, mais on n'habitait pas tout le temps dans la même ville, donc c'était pas si simple. Mais c'était un peu une grotte où lui, il se artistique. Une grotte artistique dans laquelle lui se situe en tant qu'artiste et pas simplement en tant que grand-père. Ça, c'est sûr que ça a joué un rôle très important. Et après, il y a mon père à moi, qui est mort quand j'étais petite fille. J'avais 7 ans, tu vois. Et qui, lui, peignait, chantait. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du mythe, si tu veux, de... Du père manqué, peut-être, aussi, éventuellement. Oui, et de cet univers, si tu veux, que les gens ont moins peu raconté par la bande. Et que j'ai dû m'approprier moi-même. Par les bribes d'histoire que l'on te racontait. Voilà, donc exactement. Donc c'est là que ton imaginaire a commencé. Oui, exactement. Pour et... créer ton propre père que tu n'as presque pas connu. Voilà, c'est à ça. À 7 ans, on cherche encore. Voilà, c'est ça. Donc si tu veux, j'ai tout. J'ai voulu combler, si tu veux, quelque chose de cet univers que je pressentais important. Et donc voilà. Donc j'ai commencé effectivement à raconter des histoires très très tôt. J'ai toujours raconté des histoires, donc ça c'est... As-tu désiré de faire une école où tu as voulu ne pas t'enfermer dans un carcan éducationnel? Moi je suis l'aîné, donc si tu veux, on m'a poussé beaucoup à plein de choses, parce que soi-disant que j'étais doué en tout, donc il fallait que je fasse pas du tout... Enfin, artiste, ce mot-là n'existait pas. Okay. Hein? Mon grand-père ne convoquait pas la famille sur son champ à lui artistique. Ma mère a été initiée au chant, par exemple, mais pas au piano. Les filles, c'était pas de musique. Bon, donc, tu vois, c'était quand même très rigide. Et moi, j'ai aussi percer le carcan rigide d'une famille qui ne me voyait pas du tout dans ce rôle-là. Et la peur aussi de parents de voir une artiste. Une artiste, c'est quelqu'un qui gagne pas bien sa vie, qui en arrache constamment, qui... Oui, puis qui ne fait pas une chose forcément intéressante pour la société. Enfin, toi, ça a été jusque-là quand même... Et qui est marginal, un enfant marginal, voilà, est toujours moins bien vu dans la famille. Parce que l'image, toujours l'image. Donc voilà, toi, ça c'était quand même c'était une lutte. Et après, si tu veux, en fin de compte, de façon contradictoire, après j'ai touché à plein de choses. J'ai fait une école d'éducateurs spécialisés, j'ai fait de l'italien à la fac, j'ai fait de la danse, voilà. Et du chant, mais ça c'était un peu naturel chez moi, donc si tu veux, je chantais toujours, mais la danse, j'ai appris à danser. Et encore aujourd'hui, tu l'utilises dans tes... Oui, comme langage dans mes spectacles, ouais. Et donc du coup, si tu veux, je suis allé en Italie, et c'est là que les gens ont vu que j'étais artiste, tout de suite. Parce que ça se voit, quand je t'ai vu arriver, je t'avais vu aussi sur Internet, mais on peut voir... Une artiste, mais pas juste une artiste militante avec tout ce que tu arbores comme médaille, comme caron. Médaille. Mais non, mais c'est vrai, alors tu veux témoigner aussi à travers ton look, le côté vestimentaire, que oui, tu es une artiste, mais une artiste engagée aussi. Oui. Donc si tu veux, voilà, donc en Italie, tout de suite, ils ont vu, et moi je ne savais pas que j'étais artiste à ce moment-là, je ne mettais pas toujours le mot dessus. Je pensais que j'aimais bien faire ça. Les choses étaient très simples, ça s'enchaînait, c'était agréable. Mais j'ai pas du tout pensé. Et donc j'ai rencontré une troupe de marionnettistes dans le nord de l'Italie. Enfin, à vrai dire, j'étais parti pour 2 jours, je suis resté 2 mois. Et donc, on a collé en Italie. Donc du coup, j'ai voyagé avec des gens qui m'ont fait découvrir à la fois l'Italie. Une sorte de troupe. Voilà, plusieurs regroupements d'artistes. Des militants aussi là-bas. Et alors là, c'est là où... Après, ils m'ont tout de suite fait travailler, si tu veux. Le gars était un tâcheron, n'ayant que ses bras pour fortune. La fille, celle du patron, un gros fermier de la commune. Il s'aimait tout de tant et plus, il s'aimait tout de tant et plus. Écoutez ça, les bonnes gens, petits de cœur et gros d'argent. Écoutez ça, il s'aimait tant et plus, l'amour ça se fout des écus. Lorsqu'il s'en revenait du bal, par les minuits clairs d'assemblée, au risque d'un procès verbal, il faisait de large roulée. Au plat des blés profonds et droits, au plat des blés profonds et droits, écoutez ça, les bonnes gens, Gamicom Rondoloto. Écoutez ça, les blés profonds et droits, l'amour ça se fout de la loi. Un jour s'enfuirent tous deux prier, elle son père et lui son maître, de les laisser se marier, mais le vieux les envoya paître. Alors ils prirent la clé des champs, alors ils prirent la clé des champs. Écoutez ça, les bonnes gens qui respectaient les cheveux blancs. Écoutez ça, ils firent la clé des champs. L'amour, ça se fout des parents. S'enfuirent dans quelques cités, loin des labours et des jachères. Passèrent ensemble un été, puis tout à coup ils se fâchèrent. Et se quittèrent bêtement, et se quittèrent bêtement. Écoutez ça, les bonnes gens, mariés, cocus et puis contents. Écoutez ça, ils se quittèrent bêtement. L'amour, ça se fout des amants. Donc, j'ai appris l'Italie très vite, l'italien très vite. Donc, je suis revenu à Paris. Avec cette flamme-là. Voilà, et puis à ce moment-là, je travaillais dans un bar de nuit. Ok. T'étais quoi? T'étais serveuse? Oui, serveuse, et j'avais aussi une mission sociale dans ce bar. Donc, si tu veux, c'était un peu une situation. Il y avait une association à l'intérieur du bar pour un peu faire de la prévention, etc. Et donc, j'ai créé une troupe amateur à ce moment-là. Et à partir de la troupe amateur, j'ai dit, OK, au bout d'une année de troupe amateur, j'ai dit, moi, ce que je dois faire, c'est être comédienne. Voilà. Et c'est là où ça s'est décidé. Voilà. Là, c'était c'est clair. C'est là qu'il y a eu la césure. Ouais. On arrête de se faire croire des choses et c'est maintenant que ça se passe. Exact. Exactement, c'est exactement ça. Et lorsque la coupure a eu lieu, qu'est-ce que tu as voulu avancer comme énergie en théâtre que d'autres n'avaient pas placé encore? Au départ, c'est un défi uniquement personnel. OK. D'arrêter avec le bagou, la langue, le blablabla, le j'ai raison, voilà, j'ai des belles idées, etc. Et c'était le passage au feu de mon propre corps, si tu veux. OK. Donc, c'est-à-dire, OK, je monte sur scène, les gens me regardent, et après, on me dit si c'est valable ou si pas. Si ça passe ou ça passe pas. Et puis, qu'est-ce que tu as proposé? Non, après, voilà. Après, une fois que j'ai campé cet endroit-là pour moi, après, j'ai... Tu t'es lancé, on y va. Voilà, et tout la de suite... La scène même, donc j'aime la scène. C'était un, oui, enfin, si tu veux, c'était un rendez-vous dont j'avais besoin, qui devait pour passer... Pour voir si la relation scène... Et qui devait passer par le corps, voilà. Oui. Où c'était en fin de compte, là, je devais me retirer un bout de ma tête aussi. Voilà. Il fallait que ce soit physique. Okay. Sans ça, je ne comprenais pas trop si. Enfin, cet engagement au départ était physique pour moi. Encore aujourd'hui, ton théâtre est physique? Oui, oui, oui. Pourquoi le physique est resté? Pour moi, c'est le plateau, c'est un endroit du vivant, une forme de choses exacerbées, tu vois, qui passe par le corps, qui passe par une forme de jouissance de ce moment-là, si tu veux, qui ne peut pas être uniquement une histoire intellectuelle et cérébrale. Donc pour moi, c'est vraiment une prise en charge d'énergie liée au plateau, comme une espèce de volcan, si tu veux, ou je ne sais pas, quelque chose de vital qui doit prendre vie à chaque fois. Qui doit exploser. Aussi, oui. Est-ce que tu cherches l'explosion à travers des textes ou à travers tes textes? Je pense que pendant tout un temps, quand j'étais uniquement interprète, j'y ai mis tout ce que je sentais ou pressentais de ce métier. Et tu allais dans quelle direction? Au niveau de quel texte? Alors, j'étais d'abord avec une troupe italienne, puisque je parlais italien, si tu veux. C'est les Italiens qui m'ont choisi au départ. Et après, j'ai fait que du théâtre contemporain, dans des textes d'auteurs qui étaient écrits presque du sur-mesure, et donc avec des compagnies. Et puis, ça a tourné comme ça. Toujours en Italie? Non, après en France. Okay, après, okay, ça a été en France. Okay. Après, j'ai toujours fait des allers-retours, si tu veux, mais c'était ici que ça se faisait. Et c'est ici que tu voulais que ça se passe aussi? Oui, oui, oui. Voilà, j'étais à Paris, hein, essentiellement à Paris tout le temps. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à changer pour écrire tes propres propres choses, tes propres textes, tes propres... Alors, j'ai toujours écrit, okay. Mais de façon... Enfant aussi? Oui, voilà, enfantine, si tu veux, enfin, de façon enfantine, journal, hein, privée, des coups d'humeur, des réflexions, des trucs comme ça. As-tu retrouvé ces textes-là? Oui, je les ai avec moi, oui. Ok, et puis? Et donc, ça repose, ça, si tu veux, parce que je ne suis pas du tout dans le... Dans une idée de biographie, d'autobiographie ou de... Non, mais tu relis quelquefois pour savoir... De temps en temps, oui, j'ai relis quand je classe mes affaires. Ouais. Et puis, t'as... Je me dis, bah tiens, oui, c'est marrant, il y avait un peu de ça, enfin, toi, des choses comme ça. Alors, ça amène la femme que tu es aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ouais. Et si tu veux, donc, ça, je l'ai toujours fait, mais sans penser que c'était... ça avait un rapport avec une œuvre, par exemple. Et donc, à force d'approcher, si tu veux, le théâtre comme étant quelque chose qui existe en tant qu'identité, vraiment, et non pas... à ce moment-là, mon déclic, si tu veux, pour moi, écrire, mettre en scène, monter mes projets, j'avais déjà fait des mises en scène pour d'autres, là aussi, si tu veux, parce que le métier fait que tu fais des rencontres, et voilà. Ça, ok. Même des petites bribes d'écriture, par-ci, par-là. Des collaborations. Mais le déclic, ça a été 2002, aux élections présidentielles, Le Pen Chirac. Et là, c'est là que tu voulais monter sur les barricades. Et déjà en 2001, si tu veux, j'avais rencontré Eugène Durif, si tu veux, et Jean-Louis Hourdin sur un cabaret politique. Parce que je pressentais que, si tu veux, je ne pouvais pas rester dans la même place. Donc, entre fin 2001, tu vois, le septembre 2001, 2002, les élections, et cette tête qui commençait à penser qu'il fallait aller ailleurs... Là, c'était clair et net. Donc, à l'automne 2002, j'ai réuni des artistes en disant « On ne peut plus rester là où on est, c'est pas possible. Le monde est en train de prendre une espèce de virage comme ça. Et nous, on fait mine de rien. On veut toujours aller jouer dans nos théâtres. On gobe, il n'y a pas de problème, tout va bien. Voilà. Oh oui, j'ai pas beaucoup de boulot en ce moment. Oh oui, le spectacle d'un tel. » Donc, j'ai dit « Stop. » Et là, il faut passer à l'action. C'est là où je me suis dit « Je passe à l'action. » Et donc, avec ces équipes d'artistes, j'ai commencé à travailler sur un territoire que je connaissais déjà à Paris, en me disant que c'était pas que j'allais sortir des cadres de création classique, sortir des chemins parcourus et défricher. Donc ça a commencé par faire des tours de bar, interviewer les gens, et puis là c'était parti. Pourquoi? Pour faire réfléchir les gens avant les élections? Non, j'avais pas de le lien de politique. Le lien aux élections était, pour moi, c'est dans ma tête. Okay. Après, ce qui était important, c'est que le théâtre sorte des sentiers battus et que quelque chose de la ville prenne... D'assaut. Mais c'est un peu comme Artaud. Artaud, il faut sortir le théâtre du théâtre. Voilà, c'est ça, oui, tout à fait. Et donc, si tu veux, par exemple, donc j'ai fait un défrichage de territoire. Je suis allé voir tous les gens qui, soi-disant, faisaient de la culture sur un territoire. J'ai rencontré les politiques, j'ai rencontré tout le monde. Et puis, comment la réaction était vue? Moi, j'ai dit que j'avais vu les grilles monter petit à petit et que moi, j'étais là pour réouvrir des portes. C'est un peu métaphorique, mais c'est... Oui, mais c'est merveilleux, j'adore la métaphore. Je suis un gars de métaphore. Et ton travail, crois-tu que ça modifie un peu ce qui se passe aujourd'hui? Ou c'est... Je pense que j'étais un tout petit peu précurseur, où c'était déjà dans les têtes. Et puis moi, je suis passé à l'action au bon moment. Tu sais, ça, alors là... Je pense pas que je sois à ce point-là génial, mais si tu veux, en tout cas, il y a eu un écho. Mieux vaut faire quelque chose que de se taire. Personne... Non, mais beaucoup de personnes font absolument rien. Puis là, on parle, oui, la crise, on enlève du budget, il n'y a plus de galas parce qu'il y en a eu trop. Ils ont été frileux à une certaine époque, ils ouvraient des galas pour n'importe quelle situation. Mais on ne pouvait pas avoir des têtes d'affiche, donc ça attirait pas les gens. Puis là, aujourd'hui, on se surprend qu'il y a moins de concerts plein air, mais à un moment donné, il faut que ça revienne. Il faut que les meilleurs restent et que les autres... parce qu'il faut avoir des gens présentés lors de ces, ben oui, de c'est ces ça, soirées-là. Ouais. Au théâtre aussi, donc c'est bien beau, mais il faut avoir des choses à dire. On ne fait pas du théâtre pour faire du théâtre. Non. Donc, si tu veux, c'est... Alors, il y a eu des échos, si tu veux. J'ai rencontré, en fin de compte... Moi, je ne me rendais pas compte que je rencontrais des gens qui allaient faire que je creusais un sillon, si tu veux. Parce que moi, je suis un peu une tête bizarre. C'est-à-dire que du moment que je fais mes choses... Mais c'est aussi, tu es proche du sujet, comment tu peux voir? J'avance. Ben oui. Je ne me rends pas compte autour. Non. Et c'est un peu des gens autour de moi qui m'ont dit, mais Marido, tu sais que tu es quand même soutenu. Je dis, c'est bon, quoi, un politique, il change de chemise, comme de tout. Tu parles qu'il me soutient et il fait ça parce que Pour l'image, ben oui. Mais non, au final, quand même, je pense qu'il y a quand même des gens qui ont compris quand même ce que je voulais faire et qui ont quand même soutenu. Voilà. pour moi, c'est un petit soutien. Est-ce que c'est les mêmes qui te soutiennent encore aujourd'hui ou... Alors, les familles politiques bougent, si tu veux, mais c'est effectivement... par exemple, la mère du 14e, si tu veux, tu vois, voilà, elle, depuis le début, elle suit mon travail, elle me soutient, voilà, très clairement. Tu vois, elle a pris des photos de mes spectacles pour ses vœux, enfin bon, elle est reliée au fait qu'une femme puisse comme ça... c'est important. Tu vois, prendre la parole en public, mener un chemin, créer un peu de singularité aussi. Voilà. Une espèce d'originalité, tu vois, qui peut comme ça ressurgir sur un territoire, ça, je pense qu'elle le comprend. Tu vois, ouais. Il faut reconnaître. Rénaldienne sur CKRL-MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Réussi peut-être, tu vois, avoir des soutiens pour pouvoir continuer ce travail-là, voilà. Un travail politique. Donc c'est moi j'appelle ça un travail d'implantation. Mais pour moi c'est redonner la place de l'artiste dans la cité. C'est Greg de ce point de vue. Oui, ah oui, ben, tout à fait. Tu vois, que, voilà, l'artiste, c'est comme le boulanger. Il est nécessaire, il faut qu'il ait pignon sur rue. Mais toi, l'artiste, ce n'est pas celui qui s'enferme dans une boîte noire pour créer un spectacle. Moi, l'artiste, c'est celui qui va en terrasse aussi, qui raconte quelque chose du monde et qui va donner envie que la discussion continue. Ouvrir des voies. Tu vois, et donc du coup, de fil en aiguille, tu rencontres quelqu'un qui se dit « Mais oui, moi aussi, j'avais lu ça. » Ou bien, regarde dans le journal ce qui est écrit, Marido. Susciter l'intérêt. Et petit à petit, de ce petit bout de journal, de cette réflexion de terrasse, si tu veux, on arrive. Moi, je me dis « Ok, là, il faut l'écrire, le truc. Là, il faut y aller. » Et tu écris souvent, tu es une femme inspirée. Il y a tellement de conneries qu'on s'inspire de pas grand-chose. Il y a tellement de choses qui... Je sais pas si je suis inspiré. Je sais pas trop si je suis inspiré, si tu veux. J'écris un peu souvent sous la menace, tu sais. La colère aussi. Sous la colère ou sous la menace. C'est pas un acte forcément très... Voulu? Si, voulu, oui, okay. Mais il faut le... Tu vois, il faut le... Ouais. Faut le cirque. Il faut le presser. L'encercler dans le temps très précisément oui. pour que ça se fasse. C'est jamais très confortable, voilà, okay. Pour moi. Est-ce qu'il y a une souffrance dans la création pour toi? Pardon? Est-ce qu'il y a une souffrance dans la création pour toi? Ou il y a au contraire une urgence de dire, de décrire et de parler? Il y a une urgence, mais ça, si tu veux, c'est l'urgence, elle mène tout. Par contre, effectivement, écrire, si tu veux, c'est âpre. Il y a quelque chose de âpre. Parce que il faut arriver au trop-plein, toi, il faut arriver... Faut que ça déborde. Et là, si tu veux, tu te dis, c'est plus possible, quoi, c'est plus possible. Là, il faut y aller, tu vois. Donc c'est un peu comme ça, des espèces de vases communicants. Et tes actes que tu crées, est-ce qu'elles sont souvent éphémères? C'est spontané, éphémère? Alors, j'y vais, il y a plusieurs dynamiques. Reçois des courriels, tes actes. Oui. Tu fais des expos, tu fais des... Oui, c'est ça. Je fais des choses... Mais t'en fais beaucoup, parce que je reçois des courriels... Je fais des choses un peu sur des coups de tête. Okay. Je suis un peu impulsive. Et je peux aller très, très vite. Okay. Donc, si tu veux, du coup... je me dis, je peux faire ça, je peux le faire. Et donc, je me lance après. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec toi? Ils sont un peu fatigués. Ah ouais, tu les presses comme le citron et à un moment donné, ils sont plus capables. Mais pourquoi tu n'as pas plusieurs troupes? Tu en fatiguerais également. Tu arriverais à en fatiguer également parce que toi, tu es une femme d'énergie. Tu es une femme qui épuise le... Ben, par exemple, toi... Je vois un mur, par exemple, dans la ville. Les murs, tu sais. Moi, je suis fasciné par la ville comme objet d'imaginaire et comme lieu de création, d'habitation, de détournement, de rencontre. Et donc, si je vois un mur qui est très... Maintenant, j'ai repéré un très beau mur. Okay. Si tu veux, je sais qu'il faudrait faire une chose, mais c'est un très grand mur. Donc, ça fait 3 ans que j'ai vu ce mur. J'ai pour l'instant pas l'argent d'afficher dessus quelque chose. Pour l'habiter. Je fais de l'affichage parfois avec des choses comme ça. Et donc, si tu veux, j'ai pas le budget de ça. Mais je suis têtu, donc ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il suffit que je trouve quelqu'un qui me fait le déclic, parce que je sais à qui est le mur. Je suis d'accord. Okay. La personne qui a le mur est d'accord avec moi. Ah oui, ah bon. Maintenant, il faut juste avoir l'argent pour dépenser faire exprimer ce mur-là. 2000 euros sur ce mur. Donc, toi, par exemple, ça, c'est un enjeu pour moi aussi important que de remplir un dossier pour avoir une demande de subvention. Et donc, si tu veux, toi, je suis sur des dynamiques différentes. Donc, ça, par exemple, il y a cette interrogation des espaces qui me turlupine, d'habiter la ville, tu vois, autrement. Après, il y a tout d'un coup des choses que j'écris dans l'urgence parce que c'est impossible de ne pas les écrire. Et après, il y a les choses qui sont plus des œuvres repérables par mes partenaires. Et là, on dit création. Tu vois? Donc là, je remplis mon cahier des charges d'artiste comme il faut. En même temps, oui, pour avoir une subvention. Mais tu ne veux pas non plus scléroser ton œuvre dans un théâtre. Tu veux le faire sortir des théâtres. Ouais. Tu le fais très, très rarement dans une salle. Pourquoi? Par coût économique ou par volonté de laisser aux citoyens la chance de voir tes œuvres sans... Ben, d'un côté, l'espace théâtral est très formaté. Ouais. Pour moi, il fait déjà 50% de l'œuvre, donc c'est un problème. Tu vois? C'est comme le salon chez quelqu'un, hein. À un moment donné, t'es coincé par le salon quand même. Je préfère les voir ailleurs, moi, les gens. Ah oui, ok. Tu vois ouais. Oh, il est beau mon salon, attends. Ouais, toi, bah, on va le montrer à tout le monde. Hein. Je suis pas là pour savoir le prix du canapé, enfin, toi, je veux avoir, je sais pas, quelque chose à partager, quoi, toi. Et ça me fait le même effet. Okay. Là, je rentre dans un théâtre, je me dis, mais oh là là, mais. Et je vois une pièce dans ce théâtre-là, avec ce public-là convoqué. Bon, je suis dans une histoire de famille qui bouffe. Ça me bouffe la moitié de ce que je vois déjà sur le plateau, tu vois. Et ça, ça c'est pas juste pour l'œuvre, selon moi. Alors tu donc, travailles pour. Oui, tu vois, donc déjà, ça c'est le problème du théâtre. Et après. Désacraliser le théâtre. Voilà. Et parce qu'on a des comportements présupposés. Alors en même temps, il y a l'écoute. Et c'est vrai que je reconnais hein, que moi j'écris quand même des textes, etc. Donc au niveau de l'écoute, bien sûr que c'est bien d'écouter. Oui, mais à ce moment-là, je sais pas. Tu vois, donc je suis un peu dans cette contradiction parce que c'est un outil. Et dans la recherche aussi. Mais voilà, mais je suis pas satisfaite. Je suis pas satisfaite de l'outil théâtre. Les gens se comportent trop sagement. Okay. Ils obéissent à quelque chose. Et ça, c'est pas possible. Toi, tu aimes la réaction. Tu oui, aimes voilà. Réagir. Ah oui, tout à fait. Ouais. Oui, voilà, exactement. Faut. Alors, par exemple, il y a une forme. J'ai créé ça avec Nadège Prunier-Artois. On a créé MAMAE, ça c'était en 2000. On a commencé à travailler en 2005 et ça s'est complètement abouti en 2007. Et si tu veux, bon, c'était quelque chose qui était conçu pour être joué n'importe où, comme tout ce que je fais aujourd'hui. Et donc il y a un espèce de cœur, si tu veux, quand même, qui est frontal et qui balance, tu vois. Mais il y a aussi des infiltrations. Donc il y a des personnages qui rentrent, qui vont chercher le public hein, pour déstabiliser, si tu veux, ce silence, ouais, cette chape de plomb. Ce décorum aussi. Et puis que le corps aussi, que tous nos corps puissent raconter l'histoire quand même. Tu vois, c'est pas juste. Est-ce qu'il y a beaucoup de pratique derrière ça? Ou si tu l'es. Pourquoi tu ris? Ma pratique. Non, mais lorsque tu travailles avec des comédiens, est-ce que tu prépares beaucoup la chose ou ça fonctionne à l'instinct? Il y a oui, tu dois réciter, tu dois raconter, mais est-ce que tu laisses libre cours aux protagonistes avec qui tu travailles? Je les laisse expérimenter ce qu'ils ont à vivre, eux, dans ces propositions-là, si tu veux. Ils ont un canevas de ta part? Oui, mais après, ça c'est plus ou moins dirigé selon les objets. Et les textes sont écrits, tu ne peux pas déranger du texte? Non. Okay. Par contre, tout est possible avec. Puis tu sais jamais quand le public va réagir, donc voilà. Il faut que tu fonctionnes selon. Voilà. Mais tu retournes tout le temps à tes textes. Oui. Tu peux partir, mais pour venir. Oui, okay. C'est ça, voilà, exactement. C'est quand même écrit, tu vois. Mmh. C'est écrit. Mais improvisé aussi, à travers. Mais voilà, exactement. Mais là, par exemple, j'ai une forme en ce moment qui est uniquement improvisée. Mais pourquoi tu n'as pas pensé à filmer, faire du cinéma ou revendicateur Ben écoute, en ce moment, c'est. Ou de la vidéo aussi. C'est marrant que tu me poses cette question parce que, justement, voilà. C'est dans ma tête, je vais commencer à me mettre derrière l'objectif un petit peu pour voir les choses. I don't. moins cher vidéo. Mais voilà, c'est ça, si tu veux. Moi, j'ai pas de moyens là-dessus pour l'instant. Non, toi, je vais faire un peu expérimental parce que, de toute façon, comme je pense que je suis complètement ignorante. On apprend. C'est ce qui me plaît, c'est d'être ignorante. Tu vois, à vrai dire, je crois que c'est la chose qui me plaît le plus. Parce que tu peux te tromper. Tu peux avoir ce luxe-là de te tromper. Et tout d'un coup, regarder comme un enfant. C'est-à-dire, toi, j'ai rien à penser d'autre que de regarder. Et de me demander où est-ce, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Puis en même temps, on a une idée du cinéma, on a déjà vu des films, donc on sait comme on a une école sans savoir. Oui, bien sûr, on est gavé là. Et c'est pour ça que tu peux réagir selon ces codes-là pour dire, moi je vais faire à la Godard, je vais aller à l'encontre de toutes ces idées-là, parce que je vais faire un anti-cinéma, je vais faire réagir le public. J'endormirai pas le public. Dans Holly Motors de Van Trey, de qui donc. Est-ce que tu connais Holly Motors? Oui. De, comment ça s'appelle? Je suis pas bon en nom, moi. Holly Motors. Je mélange tous les noms. Léo Scarrax. Oui, bon. Voilà, c'est ça. Tu as vu le film? Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début, on voit le public qui est là au cinéma et qui s'endort. On le réveille, c'est pas ça qu'il faut, là. C'est pas ça qu'il faut. Et on va te raconter une histoire, on va t'avoir au bout du compte. Alors c'est ça, c'est un anti-cinéma. Il connaît les rouages cinématographiques. Il a une maîtrise, il a fait des écoles. Mais c'est pas ça, il correspond pas à ça. Donc il remet en question le médium cinématographique et le 7e art à travers ses œuvres. Et ça donne quelque chose d'assez unique. J'adore faire la même chose. Donc toi-même, en sachant bien ces certaines prises cinématographiques, en ayant vu Gabin et tout, c'est non, c'est pas ça que je veux faire. Donc, je peux faire réagir le cinéma par rapport à ce que tu penses. Oui. Ben, écoute, là, je commence à rêver dans ma tête, toi. Ça fait un an et demi. Non, rêver dans le sens que je... Ça rôde. Tu caresses. Ça rôde dans ma tête. Okay. Mais entre rôder et mettre en pratique, est-ce que c'est long? Ben là, on m'a offert un appareil photo caméra, si tu veux. Ah! Là, tout à fait récemment. OK. Donc, je pense que... Est-ce que tu l'utilises quelquefois? Eh ben non, c'est tout récent, là. OK. C'est drôle que tu me poses la question. C'est... Il y a 10 j'ai jours. J'ai un sixième sens. Oui, un peu, oui. Mais c'est vrai. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais j'en fais pas état, là, mais... je ferai pas d'argent avec ça, là. Je suis pas un voyant. Mais j'ai beaucoup de sixième sens. Je sais pas pourquoi. Mais oui, non, c'est impressionnant. Ouais. Et donc, c'est peut-être la prochaine avenue que tu emprunteras, parce que le théâtre, tu connais très bien, oui. Le cinéma un peu moins, peut-être mettre le cinéma au théâtre, mais en dehors du décorum traditionnel. Ben oui, ça risque de faire des choses comme ça. Et surtout que tu peux être vu ailleurs qu'à Paris, parce que Paris, c'est pas le centre du monde. Oui. Il faut le redire. Même si les Parisiens, ils s'imaginent le contraire. Donc, il faut être vu à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, à Sherbrooke. Ça, c'est des petits patelins. C'est comme la Normandie, si tu préfères les petits coins. Et c'est comme ça qu'on crée un style et tu peux donner le goût à d'autres femmes de revendiquer leurs idéologies à travers aussi la caméra, comme toi tu vas le faire. Est-ce que ton travail s'est vu tranquillement attribuer le côté féministe ou si tu ne le savais pas avant, puis tu n'as pas vraiment cette idée-là lorsque tu crées de placer ça sur si tu veux, féministe au sens féministe, à chaque fois que je vais, je fais des tentatives féministes. Je m'ennuie très vite. Ouais, tu m'as dit ça, oui. C'est terrible parce que les gens peuvent m'ennuyer rapidement. C'est ça le problème, tu vois. J'y vais en disant, oui, tu vois, elles vont organiser une manifestation dans la rue, je sais pas quoi. Oh, je me dis, tiens, c'est bien une place. On va peut-être, toi, inventer un truc. Et puis très vite, il y a une espèce de protocole qui ne me convient pas, si tu veux. Il se rassure trop, un petit peu trop. C'est le lexique qui t'est rare. Donc, si tu veux, ça va pas bien avec moi. On peut pas avancer avec ça. Hein? On peut pas avancer. On est comme endormi par le film. J'ai l'impression, c'est ça. Il faut faire réagir. Voilà. Donc, si tu veux. Alors, il y a des choses qui sont plutôt de l'ordre d'une forme d'agite propre, si tu veux, que moi je tente au bord de ces mouvements-là, qui convient peut-être aux deux, tu vois, dans toi, ce cas-là. Tu fais de la marge. Ben oui. Mais ben, Godard dit la marge, c'est ce qui tient les lignes en place. Exact. Mais si tu veux, par exemple, là, il va y avoir un. C'est le mouvement. Alors, une fille qui est liée à HF et à des mouvements féministes, elle est vraiment étiquetée féministe. T'as l'impression qu'elle pense féministe tout le temps. Ouais. Ça, je trouve ça étonnant. Contre les hommes, surtout, ouais. Mais tu vois, à un moment donné, c'est pas possible dans la tête tout le temps. Pour moi, hein, c'est pas possible. Bon. Donc, je comprends même pas de penser même 5 minutes par jour, si tu veux. Mais si tu veux, elle va organiser un espèce de 24 heures marathon sur la place du Palais Royal. Alors, ce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le Palais Royal où les jeunes filles. vont danser, etc. Ah, oui, oui, oui, donc okay, moi, si tu veux, je vois ça comme une grande sarabande, okay. Avec des paroles un peu, toi, très violentes peut-être, mais violentes imaginaires, vois, pour moi. Mm. J'attaque personne, tu vois, je ne veux que personne se retrouve sur le carreau, je sais pas quoi, couché. Tu vois, c'est pas cette peur-là, tu vois, c'est pas ce conflit-là qui m'intéresse. C'est pour ça que tout le monde se réveille, moi. Ah ouais, ok, ouais, ouais, ouais, ouais. Donc si tu veux, par exemple, toi, je vais faire des... Et donc, elle m'a demandé si je voulais participer à ça. Je dis très très bien, Blandine, bien sûr. Allez, hop, j'y vais. Mais moi, je commence à, dans ma tête, à imaginer des trucs qui vont peut-être rien avoir à voir avec ce qu'elles, elles imaginent de bien pensant. Tu vas faire réagir, peut-être. Voilà, donc bon. Mais elle me connaît, toi. Ok, bon. Donc je pense qu'elle, elle va pas être trop surprise. Et après, si tu veux, je fais des... Là, je vais à l'Aurillac avec ce que j'appelle mes tentatives de résistance. Okay. Ça, c'est un truc que j'ai commencé à écrire il y a un peu plus d'un an. Ça a démarré sur un coup de tête aussi. Hein. Et si tu veux, ça devient très sérieux, ça. Parce que c'est... Et en fin de compte, je convoque dans cette écriture-là, effectivement, quelque chose que peut-être les militants voient que c'est militant. Moi, je pense que c'est pas très militant dans le sens, tu vois, qui va comme ça. Je reprends à mon propre compte, si tu veux, des possibilités, des figures. Des figures qui seraient des figures emblématiques, qui seraient des figures qui permettraient aux... Donc c'est très militant, parce que c'est... qui permettraient aux gens de se retrouver et de tout d'un coup traverser la ville de façon joyeuse pour aller créer une autre ville ailleurs. Donc, c'est imaginaire. Puis tu vois, et puis on serait dans un champ, enfin des choses complètement utopiques, un peu naïves, d'occupation du monde. Et donc ces figures-là sont des figures que je reprends. Effectivement, c'est mon corps de femme, moi, que je mets en jeu à ce moment-là. Toi, donc c'est un petit peu trash par certains côtés, un peu très, très déstabilisant. Ben, je crée, là, par exemple, j'ai créé quatre personnages qui commencent, je pense, à... Je peux commencer à en parler en tant que personnage, parce que ici, je les laissais un peu se... Vieillir. Oui, faire leur business. Oui, ouais, faire leur vie. Ouais. Et donc, il y en a un qui s'appelle Marie de la Gaulle. Après... Qui est joué par toi, là, tout ça, c'est oui, toi. C'est... Ok. Après, il y en a une autre qui s'appelle La Vache Allaitante. Après, il y a La Gode Cintrée. Et après, la quatrième, c'est La Vieille, la Vieille Idole. Mais les noms se sont collés tout seuls ou si c'est toi qui leur as offert Moi, j'ai du mal à nommer. Alors, moi, ça me prend un temps fou. Donc là, j'ai vaguement décidé que c'était comme ça. OK. Alors, si tu veux me raconter la vie de chacun de ces personnages-là ou les débuts de vie, parce que là, ils sont pas... Si tu veux, j'étais amené, moi, tu sais, à travailler sur un féminin masculin comme ça. Une femme qui est les deux. Oui, enfin, qui joue le rôle d'un homme. OK. Et j'ai eu beaucoup de rencontres un peu étranges, si tu veux, par rapport à ça, qui fait que les gens voyaient vraiment un homme. OK. Bon, on m'a renvoyé ça. OK. Bon, j'ai dit, OK, c'est eux qui voient. Moi, si tu veux, à un moment donné, c'était... Tu n'es qu'un objet. Moi, je pétillais intérieurement, ça m'amusait beaucoup de faire tout ça, mais je ne voyais pas trop comment les gens même arrivaient à voir l'homme, si tu veux. Parce que je ne cachais pas, par exemple, mon corps de femme, puisque ça portait un costume, bien sûr. Je faisais une petite moustache, je ne sais pas quoi. Ah, OK, bah là... Oui, enfin, d'accord.

Si c'est les filles ou les garçons qui ont le chanter, en attendant, d'après vous. Ah, et c'est toujours les filles qu'on entend crier, surtout quand ils ne font pas. Je crois que pour la chanson, c'était les garçons, non? C'est pas ça? Là, écoutez, avec juste, on va refaire la même chose. Les deux premières phrases, les filles, toutes seules, vont répondre. Les deux suivantes, les garçons, après, on dirait qu'elles veulent chanter. On essaye tous à ça, en attendant. Et puis d'abord, la la la. C'est les garçons quand même qui veulent chanter. Oh ouais, de toute façon, vous chantez tous très très bien. Ça, je peux vous l'assurer. Seulement, si vous arrivez à me suivre, c'est-à-dire que je vais compliquer cette chanson très très bien. Oui, oui, je vais la compliquer terriblement. Jusqu'à la fin. Si vous arrivez à nous suivre, ici sur scène, nous sommes... Ferme la bouche à des mouches. Faut pas... Si vous arrivez à nous suivre jusqu'à la fin de la chanson, pour une fois, nous ici sur scène, Gaston Bonprix, c'est difficile. Nous allons essayer de vous applaudir à la fin de la chanson. Ce sera gentil si nous vous applaudissons à la fin de la chanson. Hein? Seulement, si nous vous applaudissons, je vous demanderai de vous lever pour dire merci à la fin de la chanson. Tous, on est d'accord là, hein? On joue sinon on joue pas. On joue, on est d'accord? Allez, c'est là. C'était... Pourquoi la moustache? Ah, c'est joli. Ok. Moi, je trouve ça esthétiquement. Très joli. Ah oui, très joli. Okay. Puis ça me va bien. Ok. Moi, est-ce qu'elle était encore bien collée? Ça te fait bien là-bas. Pourquoi tu ne promènes pas avec une moustache? Je pourrais. Parce que souvent, quand je joue, je garde la moustache après. Ben oui. Et comment la réaction des gens? Alors, les gens sont un peu troublés. Non, mais quand tu promènes dans la rue avec ta moustache, Bah, oui, mais les gens sont un peu troublés. Ils ne savent pas trop ce que ça veut dire. Et ça, j'aime beaucoup, si tu veux, toi. Mais crois-tu qu'on peut amener rapidement la folie là-dedans? On peut, la folie? Oui. Les gens peuvent-ils le dire de toi? Oh, ben, regarde-moi. Peut-être, mais je m'en fiche. Parce que je ne pense pas à ça, moi. Okay. Je ne pense pas du tout à ça. Moi, je pense à ce qu'on arrive à voir ou pas dans la vie. C'est okay. Ça, moi, qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on voit? C'est comme les magiciens, toi. Ouais. Ils font comme ça, ta-ta-ta-ta, tu vois rien. Non. Je me suis dit, mais Marie-Do, donc tu ne vois plus rien. Okay. D'accord. Okay. Parce que tu ne vois pas ce que l'autre fait. Et donc, pour moi, le monde, à ce moment-là, c'est le fait d'abîme dans lequel moi, j'essaye de voir des trucs. Alors, ta moustache, oui. Donc, la moustache, c'est pour ça. Pour moi, c'est parce que qu'est-ce qu'il voit, okay. Et qu'est-ce qu'il est capable de voir, et moi-même, qu'est-ce que je suis capable de donner à voir. Et là, la route, elle est longue à parcourir. Alors, ton message pourrait être évacué juste parce que tu portes ta moustache. Oui. On va plus s'attarder à ton discours, mais regarder pourquoi tu as une moustache. Oui. Et toi, tu peux parler, tu peux amener des idéologies profondes. Mais juste à cause de la moustache, ça va tout des. Non, mais c'est vrai. Ça déstabilise oui. complètement la parole. Alors, il n'y a plus de discours. Alors, il y a juste le côté esthétique qui tient. Ben, les deux, si tu veux, ça se met en contradiction. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est intéressant. Donc, effectivement, je travaille sur ça. Le premier qui s'appelle Marie de la Gaulle, c'est une. Je reprends de Gaulle, je refais de Gaulle, de ah, ma oui. façon. Moi, je l'appelle Général de Drôle. Tu parce vois? Que lorsqu'il est passé au Québec, dire vive le Québec libre, on l'a vite remis dans son avion et on l'a renvoyé en France. Donc, parce qu'à l'époque, on essayait de débrancher les micros, mais on ne trouvait pas. Et là, vive le Québec libre, on entend parce que. Parce qu'ils ont essayé de débrancher le micro. C'est vrai? Oui, le général de drôle. Donc, si tu veux, je reprends, toi, cette figure qui... Emblématique. Hein? Emblématique, si tu veux. Qui... Parce que je me pose la question de pourquoi la femme, si tu veux, ne peut pas prendre une représentation symbolique du monde. Quand même. Donc, si tu veux, derrière, c'est me demander qui est cette Marianne, qui présente un sein de façon très généreuse. Donc, ça aussi, je travaille ma Marianne à moi, tu vois. Je trouve ça très beau de montrer son sein comme ça à la nation en essayant de dire que c'est là que ça se passe. C'est pareil pour moi, il y a le sein, il y a la moustache okay. et il y a le gode ceinture. Si tu veux, c'est mes trois déflagrations ouais. du corps pour rentrer dans la parole du chant presque politique. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Très clair, très clair. C'est-à-dire que c'est par ce biais-là, si tu veux, qu'une femme peut entrer dans le champ politique selon moi. Ok. Alors, dans le champ politique, qui est au sens très large de la parole politique dans l'espace public. C'est oh, oui. la parole qui se met devant. La parole politique, c'est ça. J'arrive en terrasse, je parle. Voilà. Tu parles de quoi? Je parle... ouais, c'est une bonne question. Je parle de ma possibilité, de mon incapacité à changer le monde. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est ça que je mets en mots, si tu veux, à ma façon. Donc de temps en temps je dis que tout est possible, que je suis toi comme de... et puis tout s'écroule. Donc la désillusion aussi de tes projets, après autant d'efforts, où sommes-nous rendus? Voilà, et donc c'est une perpétuelle bascule, si tu veux, d'impuissance et de volonté de changer. Et de résistance, voilà. Impuissance, ouais. résistance, pour moi c'est comme les deux côtés d'une même médaille, tu vois, donc les deux vont ensemble. Ça fait penser à une chanson d'Alain Bachung, reviens va-t'en. C'est comme on y va, mais en même ouais. temps on va revenir ouais. aux mêmes idéaux. Et oui, donc on est toi sur un truc toujours un peu déséquilibré, je pense, et pas du tout stable. Donc c'est cet endroit d'instabilité peut-être que je mets en mots là. Voilà, c'est comme ça. Et les textes, est-ce qu'ils sont extrêmement travaillés ou tu libères de spasmes créatifs impromptus ou d'improvisation Alors si tu veux, ils sont structurés sur trois. Chacun, ils sont à peu près dans la même veine, les quatre. Il y a des choses très très écrites. Et il y a des breaks improvisés, donc en direct. Et il y a des chansons. Ah, c'est bien. Qui viennent comme des. Comme, alors là, c'est plutôt la chanson entre une espèce de colonie de vacances rêvée à la mode, je ne sais pas quoi. Des chansons du haut de la montagne, des chansons rythmées pour avancer, des choses. Que tu écris toi-même? Non, des reprises, à ma façon. De qui? Oh, il y a plein de petites chansons. Je ne les ai pas toutes en tête. Il y a justement « Elle descend de la montagne à cheval ». Il y a « Opa camarade, opa camarade ». Ah oui, ah, c'est bon. Des choses comme ça. Ça, c'est avec De Gaulle, tout ça. OK. Mais est-ce que tu t'accompagnes de la guitare ou si c'est non, a cappella? Opa camarade, oui. Opa camarade, opa, opa. Est-ce que c'est des gens qui chantent ça pendant que tu récites? Eh ben, justement, parce que ça peut monter. Voilà, exactement. Et donc, ah, voilà, eux, l'autre fois, ils ont entonné « Opa camarade ». C'est quand même assez basique. C'est beau. Non, c'est bien. Et là, et moi, j'ai continué sur ça, ça justement. Pluie, ça oui. donne une étincelle dramatique. C'était, tu vois, une grosse terrasse, il y avait quoi, 200 personnes, tu vois. Et hop, au pas camarade, au pas camarade. Et ça, comment les gens réagissent à la terrasse quand ils savent même pas que tu allais arriver et que tu te proposes Ben, si tu veux, ils sont... pendant tout un temps, ils savent pas s'ils doivent vraiment écouter. Et puis petit à petit, ils sont obligés d'écouter. Et puis à petit, à un moment donné, ils partent dans l'aventure avec les mots, quoi. Et ça dure combien de temps? 15-20 minutes? Donc là, non, c'est à chaque fois, genre, les 4 durent entre 8 et 10 minutes. Ok. C'est et des, tu te promènes un courtes. Peu partout, là? Alors, je vais sûrement mettre ça en place dans des choses que j'appelle barbares, tu sais. Est-ce que tu t'arranges avec le gars du bar qui lui va savoir que tu arrives? Oui, voilà. Ok, ils le savent. Oui, ils le savent. Je mets un petit peu en place des rendez-vous quand même. Ok. Est-ce qu'ils sont ouverts ou... Je l'ai fait de façon improvisée, par exemple, toi, à Chalon, la dernière, Festival Toire de la rue. Mais ça, c'est déjà moins pire parce qu'ils savent qu'il va se passer quelque chose. Non, justement pas. J'arrivais. Les gens, tu sais, dans les cours, il y a des cours qui sont programmés, donc c'est plus du tout Festival de rue, dans le sens que les gens font la queue pour rentrer dans la cour. Et moi, je me mettais dans la queue. Ok. Et c'est là que tu commençais à te prendre. Et je démarrais. Et là, ils disaient... Alors qu'ils allaient voir un spectacle grand public avec leur famille. Et là, ils arrivent devant quelqu'un qui voilà. dénonce. Et qui... Là, c'était pas tout à fait forcément tout public. Quoique, tu tombes pas dans la vulgarité, donc tout non, public... Non, absolument pas. Ben, voilà. Moi, c'est donc, très, très digne. Mais non, ça non. peut être tout public aussi. Un enfant peut comprendre ce qu'il a à comprendre. Oui, mais quand même les gens disaient... Tu vois, c'est un monsieur. Ah, là, je me suis dit, l'éducation sexuelle va être un petit peu quand même difficile pour lui. Oui, puis quoi que même si... Sa mère ne sait pas reconnaître. Oui, bien en même temps, si c'est un homme qui aime les hommes ou une femme qui aime les femmes, tant mieux, tu sais. Donc, il y avait des choses comme... Mais non, c'est pas... Non, mais si tu veux, c'est... Oui, c'est drôle. Parce qu'ils sont à côté de la plaque, souvent. Oui, complètement. Est-ce que ça te désole de voir, en 2015, où on dit, la culture, avec Internet, on peut tout savoir. Autant... De cornichons dans la société. Ben, je pense que tu sais la connaissance c'est pas c'est exactement comme le supermarché, c'est-à-dire que tu si moi je rentre dans un énorme carrefour comme il y a là ou je sais pas quoi hypermarché là si je cherche une boîte de sardines si tu veux ouais, c'est ça. Putain mais j'y passe mon après-midi ouais. Tu vois. Donc c'est pareil, Internet, tu sais pas ce que c'est, donc tu ne peux pas trouver ce qui t'intéresse. Donc c'est un monde d'ignorance, si tu veux, pour moi. C'est un gros foutoir. Tu regardes toutes les boîtes en permanence, puis les boîtes changent de place, donc jamais tu peux avoir tes repères. Donc c'est pire que tout, tu vois, pour apprendre et pour connaître. Est-ce que tu travailles sur plusieurs projets, ou si t'es une femme à t'arrêter et à peaufiner quelque chose? Ou t'es comme... Non, je suis très agité. Ok, oui. Tu veux. Alors, t'as plusieurs projets en route et t'as plusieurs pièces qui peuvent être jouées. Ouais. De 10 à 12 minutes, un peu partout. Voilà, donc j'ai des tout petits formats là, si tu veux. Après, il y a d'autres... Il y a des pièces qui sont pour moi en création, par exemple. Je suis en écriture, on fait des modes un peu de... Alors, t'es dans un petit groupe voilà. de travail. Tell me what's that you see? Marching to the fields of Concord. Looks like handsome Johnny with a flintlock in his hand. Marching to the Concord War. Hey, marching to the Concord War. Hey, look yonder, tell me what's that you see? Marching to the fields of Gettysburg. Looks like handsome Johnny with a musket in his hand, marching to the Gettysburg War. Hey, marching to the Gettysburg War. Hey, look yonder, tell me what's that you see? Marching to the fields of Dunkirk. Looks like handsome Johnny with a carbine in his hand, marching to the Dunkirk War. Hey, marching to the Dunkirk War. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tell me what's that you see, marching to the fields of Korea. Looks like handsome Johnny with an M1 in his hand, marching to the Korean War. Hey, marching to the Korean War. Hey, it's a long, hard road. It's a long, hard road. It's a long, hard road. Think before we'll be free. Think before we'll be free. Hey, look beyond and tell me what you see. Marching to the fields of Vietnam. Like handsome Johnny with an M16 marching to the Vietnam War. Hey, marching to the Vietnam War. Hey, look beyond and tell me what you see. Marching to the fields of Birmingham. Looks like handsome Johnny with his hand rolled in a fist. Marching to the Birmingham War. Hey, marching to the Birmingham War. I'm singing this song. Some of you are not even listening. Tell me what it is we've got to do. Wait for our bullets to start whistling. Wait till the bombs start falling. Hey, yeah, hey, here comes a hydrogen bomb. Here comes a guided missile. Here comes a hydrogen bomb. I can almost hear it whistle. I can almost hear it whistle. Yeah, yeah, yeah. Chers amis, si je vous ai bien compris. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.